Yo, quand je change le fond, je remonte la pente, j'étais encore plus bas. Tu veux broyer du noir dans ma tête et alors tu verras. Là, je m'accroche et j'avance, mais j'ai plus d'idéal. Je te parle de la vie, la vraie et pas de cinéma. J'ai ravalé mes larmes et armé mon mental. Ils vont fermer leur gueule et voir qu'un homme peut soulever des montagnes. Et si je pardonne, j'oublie pas tout ce qui m'a fait mal. Entre les putes, les traîtres et tous les bâtards qui parlent. Quand je rappe, c'est pour tous ceux qui se lèvent sous l'exomile. Écoute pas ce que les autres disent, leur rumeur pire que Tchernobyl. Je sais ce que j'ai vécu et d'où je viens, y'a pas de soucis. Condamné au bonheur, mais j'ai pris que du sursis. On fait nos vies et dans nos têtes, y'a plus d'idéal. J'ai contemplé le ciel 22 années que j'attends un signal. Si on se plaint tout le temps, c'est que c'est facile comme vendre du shit. On s'arrêtait à temps avant la descente de flics. Mental armé dans nos viseurs, c'est la réussite. Chaque note est un espoir mort que la musique ressuscite. Mande à Dono si tu penses qu'on est des styles de fâche, ados sapés alcoolisés grâce aux pistes de ça. L'année de la révélation, on sait que c'est 2010. Mais on reste humble, on vendra jamais 2000 disques. En attendant, mon pote comme Gims, on est qu'à 30%. Les sons gratuits, c'est de l'entraînement, on va attendre pour vendre. Quand je change le fond, je remonte la pente, j'étais encore plus bas. Tu veux broyer du noir dans ma tête et alors tu verras. Là, je m'accroche et j'avance, mais j'ai plus d'idéal. Je te parle de la vie, la vraie et pas de cinéma. J'ai ravalé mes larmes et armé mon mental. Ils vont fermer leur gueule et voir qu'un homme peut soulever des montagnes. Et si je pardonne, j'oublie pas tout ce qui m'a fait mal. Entre les putes, les traîtres et tous les bâtards qui parlent. Yo, quand je change le fond, je remonte la pente, j'étais encore plus bas. Tu veux broyer du noir dans ma tête et alors tu verras. Là, je m'accroche et j'avance, mais j'ai plus d'idéal. Je te parle de la vie, la vraie et pas de cinéma. J'ai ravalé mes larmes et armé mon mental. Ils vont fermer leur gueule et voir qu'un homme peut soulever des montagnes. Et si je pardonne, j'oublie pas. Mes frères par des yeux rouges, vu que la peine est toujours là comme un roumain à son feu rouge. Décliquer d'Oka sur qu'on finira en poster. Peut-être pas les poches pleines, la vie aux imposteurs. Ils veulent nous voir perdre, on persiste encore, ils veulent nous faire taire.